Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de la NFL avec notre ami Tony Gouzeau en ce dimanche matin. On a pris l'habitude de faire nos podcasts le dimanche matin souvent parce que nos horaires ne concordent pas. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Bon dimanche Tony, évidemment, avec on était grippé. Puis moi, ben, je relève d'avoir fêté un peu trop fort. Et on a plus 20 ans. Oh, c'est comme un tailgate, hein, de football. Ouais, effectivement. Tony, l'actualité de la NFL cette semaine, il y a un premier entraîneur. Et c'est pas. C'est quand même assez surpris pareil. Ron Rivera qui a perdu son poste avec les Panthers de Caroline. Dans le cas de Ron Rivera, écoute, c'est pas un mauvais entraîneur. Et je pense que la blessure de Cam Newton lui a fait mal. Et on lui reproche d'avoir peut-être géré de la manière de la blessure de Cam Newton. T'as bien dit ça. Il s'est trop fié sur Cam Newton, Ron Rivera. Puis. Qu'est-ce qui est malheureux, ben c'est un bon coach là, on est pas inquiet. Rivera était à Caroline quand que le nouveau propriétaire David Tepper est arrivé là, tu sais l'ancien Richardson qui avait eu des allégations, des accusations. Donc Tepper il a acheté les Panthers puis dès le début il semblerait qu'il a pas aimé. Ben, pas qu'il aimait pas, mais il trouvait que Ron Rivera était peut-être pas son homme. Donc là, avec qu'est-ce qui est arrivé avec Cam Newton, puis là, les victoires sont pas là. Il a été vraiment professionnel. Là. Il l'a dit, je dis, écoute, je vais commencer à faire des entrevues pour un nouveau coach. Fait que je suis aussi bien de te tasser rapidement, puis on va en trouver pour un autre. OK. Mais je pense qu'il va sûrement se retrouver un poste de coordinateur à quelque part. C'est un ancien coordinateur défensif, mais est-ce qu'il pourrait même revenir comme entraîneur-chef dans un avenir assez rapproché? Moi, je pense que oui, moi. Moi je pense que oui aussi. Les dernières nouvelles, les informateurs, ils disent que il semblerait que lui, personnellement, il y a deux équipes qui aimeraient bien, ce serait les Chargers puis les Bears. Sauf que là, je pense pas que... peut-être les Bears, je sais pas, là, mais c'est un ancien qu'on entend des Bears, je pense, hein? Ben, il a joué aussi pour les Bears, ouais, je pense. Hein? OK. Ouais, c'est ça, il a joué puis il a coaché pour les Bears. Fait que moi, je suis pas inquiète, puis je pense que s'il est patient, il devrait avoir même un poste d'entraîneur-chef, parce que il risque d'avoir quelques changements en fin de l'année. Rivera aussi a aussi un lien très proche avec le DG des Giants, okay, Dave oui. Gettleman. Parce okay. que Pat Shurmur à New York... Lui, ses gens sont comptés aussi. Exactement. Donc, en tout cas, si Rivera... Je suis pas inquiète, là. Il va y avoir beaucoup... le fameux Black Monday, là. Ah ouais. On risque d'avoir des surprises, mais... Mais pour venir à Tepper et les Panthers, je pense que qu'est-ce qui va arriver? Lui, il veut un jeune coach. C'est un gars qui est très fort sur les fameuses statistiques analytiques. Là. Okay, ouais. Donc, c'est une façon que Rivera allait plus ou moins dans la même direction. Puis, mais je pense malheureusement pour Rivera, c'est que il s'est trop fié sur Cam Newton, puis en plus, je pense que même il a poussé la blessure aussi à Cam Newton. Ouais. C'est vraiment dommage, mais ça ne sera pas le dernier coach à être congédié. Mais je suis pas inquiet pour Rivera, puis c'est un player's coach, comme on dit, fait que c'est un peu tendance. Fait qu'il risque de faire du bon travail dans où il va aller. Là. OK. On parle même des Cowboys aussi, mais ouais, ben lui, ça, c'est lui, une autre affaire. Là. Ouais, ben lui, t'as Jerry Jones. Mais ouais, je suis pas sûr qu'il va aller voir Jerry. dans le cas de... Écoute, je veux te parler de Tom Brady. J'ai fait un pause cette semaine sur les médias sociaux, puis tu l'as liké, donc j'imagine que t'es d'accord avec moi. Ouais. Tom Brady, écoute, a quand même des fiches, une fiche respectable. Les Pats sont 10-2, faut toujours pas perdre de vue ça, mais sauf que le gars, s'il veut se retirer en pleine gloire, le gars a plus rien à prouver. 42 ans. Me semble, là, cette année, il va battre le record de, il va se refaire dépasser pas mal par Drew Brees, mais il va battre le record même d'ici la fin de la saison de Peyton Manning pour le nombre de passes touchées. Il a gagné plusieurs Super Bowls. Je pense que c'est 6 Super Bowls, c'est ça? Oui. Donc, ça lui donne quoi de continuer, là? T'as tout à fait raison, mais je pense qu'il veut quand même finir. Ouais. Il veut quand même bien finir. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Il est vraiment pas heureux en ce moment avec son attaque. Mais il a connu comme un petit regain de vie en fin de match la semaine passée, un peu. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va essayer d'aller loin. S'il perd, on va dire, parce que ils vont faire les séries, là, faut pas s'en cacher. Là. S'il perd la première ronde, ça se peut qu'il ait une tête dure. Il veut peut-être encore rester, mais s'il se rend loin dans les séries, il va peut-être prendre sa retraite comme heureux. Mais là, je sais pas si tu as entendu la même chose que moi, là. Parce que là, je pense que son contrat, ça se peut-tu qu'il finit, je me souviens plus, là. Ben, il n'y a pas de clause dans son contrat? Non, puis là, il est comme tanné d'avoir réduit son salaire. Fait que là, il y a une rumeur qui dit que peut-être, parce qu'il y a une maison à Los Angeles. Ah, je te vois venir. Peut-être avec les Chargers une équipe à Los Angeles. Là. Fait qu'il veut peut-être finir avec une équipe proche de chez eux ou dans un lieu qu'il aime bien. Là, mais en tout cas, moi, je serais... Brady, c'est un Patriot. Là, ouais, ça me tente pas de voir un peu Montana à la fin. Là, c'était pas évident. Même Brett Favre, quand on voyait, il changeait d'équipe, ça fit pas. Là. Parce que Brady, là, s'il veut finir, il finit comme un Patriot. Ça finit là. Là, c'est parce que quelque part, Tony, il y a le cahier de jeu à prendre. C'est pas le même cahier de jeu. Et deuxièmement, c'est l'acclimatation à un nouveau club. Il y a le gars à 42 ans. Là. Joe Montana avait très bien fait, je me rappelle de lui. Avait pas été mauvais avec les Chiefs de Kansas City, sauf par contre, c'était pas mauvais, mais c'était quand même pas le Joe Montana qu'on a connu. Puis tu sais, on va se le dire, Brady, c'est le meilleur corps d'histoire de la NFL, encore meilleur que Montana. Montana, c'est mon idole de jeunesse, fait que je peux te dire que je le vois pas ailleurs qu'avec les Patriots. On va y aller avec les matchs de la semaine, Tony. Il y a plusieurs bons matchs encore, ça commence... le meilleur match de la fin de semaine, je pense, c'est San Francisco Nouvelle-Orléans. C'est le match pour moi là qui va déterminer. Il y a des grosses chances que ce soit pour l'avantage des séries tout au long des séries éliminatoires. Exactement, ça va être un affrontement vraiment surveillé. C'est à 13h dimanche aujourd'hui. Ça va être vraiment un prélude à la finale de conférence peut-être. Ouais. Là. Donc on va voir de qui les deux. D'un côté, on a un Drew Brees qui contrôle très bien son équipe. Mm. De l'autre côté, Jimmy G, grâce à la défensive, puis l'attaque, là, c'est pas un grand carrière Jimmy G cette année, mais il fait son travail. Au début de l'année, il a fait beaucoup d'erreurs, mais là, il en fait de moins en moins. Ça va être très intéressant à voir. C'est sûr qu'en Nouvelle-Orléans, c'est là qu'on va voir les 49ers, comment ils sont forts à l'étranger. Mm. Parce que ça va être très important, parce que dans les séries, des fois, faut que tu passes, si t'as pas l'avantage du terrain, faut que tu joues tous tes matchs à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un bon test pour les deux équipes. Je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, San Francisco, en plus, là, avec les Seahawks, là, à 10-2, là, c'est incroyable. Deux équipes, tu sais, si tu gagnes pas ta division, tu vas devenir cinquième, là. Fait que, je veux dire, à 10-2, là, tandis que tu as une équipe comme les Cowboys qui peuvent faire les séries en même pas une fiche de 500, là. Ça c'est un autre débat. C'est complètement ridicule, mais regarde, si tu veux. C'est Le résultat de ce match peut être décisif si les Saints... ça va être un match intensif là, à voir serré, mais je donne l'avantage un peu aux Saints chez eux. Là, ils sont forts, là, fait que ça va être un beau test pour les deux équipes. Là. Deuxième match de la fin de semaine que moi j'aime bien, c'est à 16h25, 16h40 je pense, les Chiefs de Kansas City contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Patriots. Ouais. Oui, un match à Foxborough, puis tu sais, on parlait de Tom Brady tantôt. Les Pats, là, Bill Belichick, au mois de décembre, sont très forts. Fait que il faut qu'on leur donne ça. Fait qu'on va voir comment que on va vraiment voir à quel point la défensive des Patriots est bonne aujourd'hui, parce que contre Pat Mahomes qui est mobile, qui ont des jeux pas conventionnels, donc ça va être très important de voir comment que les Pats vont s'ajuster. On va voir aussi l'attaque des Patriots, on va voir comment Tom Brady et compagnie vont vont peut-être sortir de là. Puis on va voir contre la, tu sais, quand même les Chiefs ont une bonne défensive. On va s'attendre à, ça va être un match des revirements, mais on va s'attendre aussi à quelques jeux surprises là, autant d'un bord puis de l'autre. Ça va être un autre match serré. Mais les Pats en décembre à Foxborough, c'est très difficile de gager contre eux. Fait que, mais c'est sûr que les deux équipes, ils veulent leur victoire pour aller chercher l'avantage du terrain. OK, OK. On va y aller maintenant avec l'autre match, les Titans du Tennessee contre les Raiders à Oakland. Ça, c'est un match important parce que le gagnant va continuer sa route vers les séries. Il a toujours une chance. Puisque tu es un partisan des Dolphins, comment tu trouves ça, Ryan Tannehill, qui débloque finalement au Tennessee? Je suis pas surpris. Okay. Je suis pas surpris parce que à Miami, le problème à Miami, c'est qu'ils ont tellement de pression de performer, puis ils manquent d'encadrement. Fait que Ryan Tannehill, c'est un quarterback qui a quand même commencé très tard à son poste, là. Mais il y avait besoin d'encadrement. Puis quand que Adam Gase était venu à Miami, j'avais peut-être un peu d'espoir parce que Gase, il est bon quand même avec les corps arrière. Puis j'ai été très déçu, mais on voit un peu le Ryan Tannehill aussi. Ben, tu sais, il joue quand même sur le psychologique. Là. Quand il n'y a pas de pression, tu sais, c'était un numéro 2, il avait rien à perdre. Puis là, il fait sa job. Puis il est bien encadré, puis ils ont bien calé. Ils ont un bon livre de jeu pour s'adapter à Ryan Tannehill. Ça me surprend pas, puis je suis bien content pour lui parce que à Miami, on a tendance à brûler des joueurs, malheureusement, par manque d'encadrement, par manque aussi d'équipes talentueuses autour, puis du coaching. Fait que non, c'est Tennessee contre les Raiders. Les Raiders avaient tellement bien commencé, mais je veux pas dire pauvre John Gruden. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je sais pas jusqu'à quel point il peut amener une équipe. Leur défaite contre les Jets de New York, on dira ce qu'on voudra, Tony, à New York. Ouais. C'est ça que... Moi, je pense que c'est ça qui a cassé carrément la fin de semaine. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand tu perds ça, là, faut que tu blâmes le coaching staff. Tu peux pas perdre contre une équipe comme ça, puis ça casse une motivation, puis c'est plus du coaching par émotif que stratégique. Là. En tout cas, les Tennessee, les Titans... ils risquent de gagner ce match-là parce qu'ils sont sur un momentum. Le coach Mark Vrabel, il est quand même très, très bon entraîneur. C'est un gars qu'on va entendre parler longtemps. Un des disciples de Bill Belichick qui a réussi. Oui. Puis il va continuer, je pense. Il n'a pas gros, mais c'est une question de temps. Puis il se débrouille très bien. Puis, okay. Donc, c'est le match de 16h et le quatrième bon match que moi, je considère comme étant un autre bon match, c'est Dallas contre... Pas Dallas, c'est Buffalo contre les Ravens. Ben oui. Ouais. Oui, ça, c'est à 13h, ce match-là, ouais, je pense. C'est ça. Si je me suis... Donc, il va falloir qu'on ait une deuxième télé où on partage un écran. Ouais. Ouais. Donc, gros match entre ces deux équipes-là. Deux gros... tu sais, les Bills, encore une fois, on les croit pas encore, mais chapeau au coach McDermott puis toute la gang, là, ça va super bien. T'as deux corps arrière mobiles, Josh Allen d'un côté qui lance très bien le ballon, est capable aussi de courir avec le ballon. On a de l'autre côté Lamar Jackson qui est candidat au MVP. Ça va être un match pas mal défensif, je crois. Sauf que il faut. Je pense que les Ravens vont trouver plus de failles aux Bills que vice versa. Fait que c'est pour ça que je donnerais l'avantage des Ravens un peu dans ce match-là. Mais ça va être un match intéressant. Puis on va voir comment les Bills vont pouvoir répondre jusqu'à quel point sont à prendre au sérieux. Oui, ouais, effectivement, on va surveiller ça, c'est à 13h, je pense que c'est sur CTV. Ben, il est, Tony, on s'en reparle, je sais pas quelque part, vendredi ou vendredi ouais. prochain ou dimanche prochain, quoi qu'il en soit. Bon, on se parle la semaine prochaine, évidemment. Puis, prépare ta rétrospective de l'année comme je fais toujours. Oui. Excellent, Danny. Puis, bon dimanche à tout le monde. Tony Gouzeau, du site internet lebetsnfl.com.